d'ici, je pense à toi. Petit palestinien, déjà combattant, impatient que ça s'arrête, car vers chez vous, y'a que la paix qu'on attend. Je pense à toi, petite princesse des bidonvilles, qui rêverait d'être à la place de cette parisienne qui se plaint de vivre en ville. J'ai une pensée pour les orphelins oubliés, seuls au monde face à la vie, personne pour leur servir de bouclier. Je pense à toi qui t'en sors seul et qui en sorcelle tous ceux qui t'admirent, qui mentalement aimeraient la même force. J'ai une pensée pour tous ces gens qui ont perdu des proches, les poches vides, des rides, et petit à petit à la vie se décroche. Dans ma tête je vois souvent ces tristes mères en pleurs, le cœur déchiré de voir que la guerre a pris de l'ampleur. Je pense à toi qui donnerais ta vie pour sauver ton poteau, tu préfères perdre la tienne car s'il meurt ça serait le tombeau de trop. Je pense à tout ce pays victime de la vague meurtrière, il est temps que ça s'arrange, j'espère que les dieux entendront leurs prières. Les dieux entendront leurs prières. Les dieux entendront leurs prières. Je pense à tous ces gens plongés dans l'oubli, le cœur martyrisé, dirigé par l'espoir que le monde ne soit plus divisé. Je pense à vous, j'avoue, une chanson ne suffit pas, c'est la seule chose que je peux offrir pour vous montrer que certains ne vous oublient pas. Je pense à tous ces gens plongés dans l'oubli, le cœur martyrisé, dirigé par l'espoir que le monde ne soit plus divisé. Je pense à vous, j'avoue, une chanson ne suffit pas, c'est la seule chose que je peux offrir pour vous montrer que certains ne vous oublient pas. Je pense à toi, petit enfant, victime d'abus sexuels, les pédophiles sont de gros fous, me dis pardonnez mon textuel. Je pense à toi, handicapé de la route, accidenté, assis dans ton fauteuil, muni d'un tuyau pour t'alimenter. C'est hardcore pour ce prisonnier enfermé à tort, 100% innocent, menacé d'être condamné à mort. Je pense à toi qui rêve de trucs de fou et de faire des thunes, alors que cet africain rêve que d'une chose, c'est de faire des études. Je pense aux religieux victimes d'insultes antisémites quand il s'est mis à prier et crier pour stopper ses sévices. Je pense à toi qui est parti, mais partout dans mon cœur, dans ma tête, dans mon sang, cette bête, mais t'es mon moteur. J'ai une pensée pour les villes victimes de bombardements, pour les mecs restés au sol, victimes de gangs dans nos départements. Pour terminer, j'ai une pensée pour toi qui m'apprécie, j'envoie un message de paix afin que ce monde ne soit plus agressif. Je pense à tous ces gens plongés dans l'oubli, le cœur martyrisé, dirigé par l'espoir que le monde ne soit plus divisé. Je pense à vous, j'avoue, une chanson ne suffit pas, c'est la seule chose que je peux offrir pour vous montrer que certains ne vous oublient pas. Je pense à tous ces gens plongés dans l'oubli, le cœur martyrisé, dirigé par l'espoir que le monde ne soit plus divisé. Je pense à vous, j'avoue, une chanson ne suffit pas, c'est la seule chose que je peux offrir pour vous montrer que certains ne vous oublient pas.